Chapitre 14. Mrs. Barnaby avait parfaitement raison de croire que la famille Peters serait une connaissance fort utile, car Mrs. Peters avait une telle antipathie pour sa belle-sœur que, sitôt qu'elle ne fut plus irritée par sa fâcheuse présence dans sa maison, elle retrouva sa bonne humeur habituelle et reconnut, avec autant de raison que n'importe qui aurait pu le souhaiter, les droits que la veuve de son frère avait sur elle et sur sa famille. Ses excellentes dispositions furent entretenues assidûment par ses filles, au désir desquelles elle n'avait jamais fait la sourde oreille. Elle trouva chez l'aînée et la plus jeune un vif intérêt pour Agnès et un ardent désir de la voir davantage, tandis qu'Elisabeth persévérait dans sa conviction que la pauvre Mrs. Barnaby était une des meilleures femmes du monde et fort à plaindre parce que personne n'avait l'air de l'aimer, quoiqu'elle eût l'intention généreuse de diviser sa fortune entre tous. « J'espère, maman, » dit l'aînée des demoiselles Peters, quand les dames de la famille furent toutes assises en rond autour du feu après le dîner, « j'espère que vous aurez suffisamment surmonté votre terreur de Mrs. Barnaby et de son rouge avant mardi soir, et que vous permettrez qu'elle se joigne à nous dans la salle de bal. Je ne voudrais pour rien au monde abandonner ma charmante Agnès dans une pareille occasion. Eh bien, Marie, je me sens positivement renaître depuis que je suis sûre de ne plus jamais être forcée d'endurer chez moi la présence de ma trop aimable belle-sœur. Vous pouvez croire que vous exagérez quand vous parlez de mes terreurs, mais vous n'exagérez pas loin du monde, croyez-moi. C'était bien de la terreur qu'elle m'inspirait, et une grande encore. Et Agnès, maman, que vous a-t-elle inspiré ? Dit Mary. De la pitié et de l'admiration. À la bonne heure, reprit l'enfant gâté en embrassant sa mère. Pour cette fois, nous ne nous querellerons pas. J'avais un peu peur, car il eût été vraiment par trop ridicule, maman, et cela m'eût fortement étonné de votre part, que votre aversion pour les grosses femmes aux yeux noirs, qui ont le verbe haut et qui mettent du rouge, vous eût entraîné à nous obliger d'être désagréables à une fille aussi charmante que la nièce de Mrs. Barnaby. « A-t-on jamais vu une maman mieux grondée ?» dit Mrs. Peters en se tournant vers ses plus jeunes filles. « Mary a parfaitement raison, maman, » dit Lucie, « et nous nous serions certainement révoltés si vous n'aviez pas voulu nous permettre de nous lier avec les Barnaby. »« Et moi, je dirais, » ajouta Elisabeth, « que je vous trouve bien sévère à l'égard de notre pauvre tante, maman. Mais songez donc comme elle est bonne pour nous. Votre tante, » soupira Mrs. Peters. « Est-il donc indispensable, mes chères filles, que vous lui donniez en public ce titre affectueux ?»« Pas absolument, » répondit Mary en riant. « Consentez seulement à ne pas oublier tout à fait qu'elle est en effet notre tante, et nous vous promettons de ne plus la nommer ainsi. » « Et faudra-t-il que je la serre dans mes bras chaque fois qu'elle entrera et chaque fois qu'elle sortira ?»« Non, à moins pourtant que vous n'ayez à réparer quelque outrage de votre part, auquel cas cette pénitence serait devenue nécessaire. » « Mary, venez ici tout de suite que je vous tire les oreilles. » La jeune fille vint très docilement se placer sur le tabouret au pied de sa mère, qui, après lui avoir frappé amicalement la joue, lui dit « Maintenant, dites-moi un peu, mon enfant, ce qui a ainsi fasciné votre cœur et éteint votre orgueil. Mère, j'ai rencontré la combinaison la plus rare et la plus inconsciente de la beauté unie à la grâce, au talent, à la douceur. Voilà ce qui a fasciné mon cœur. Quant à mon orgueil, comme vous dites, si jamais un sentiment de cette nature avait empoisonné mon âme, au point de me faire fuir ce qui est beau et bon, bénissez le ciel de ce que cette lumière céleste s'est trouvée sur mon chemin pour dévoiler mon erreur à mes yeux. » Mary parlait avec une grande animation, et en l'écoutant, sa mère sentait ses yeux bleus et railleurs se remplir de larmes. « Ce qui est bien certain, c'est que vous êtes une fille bonne et naturelle, Mary, » dit-elle en l'embrassant, « et à coup sûr, j'en bénis le ciel. » D'après ce que vous dites de cette jolie personne, il semble qu'elle soit une perle d'un grand prix. Quel malheur qu'elle soit venue au monde dans la coquille de l'huître la plus méprisable, la plus grande, la plus grosse, la plus commune, la plus haïssable qu'on ait jamais pêchée. Ne craignez plus rien de ma part, pourtant. Votre manière de voir à l'égard de cette jolie Agnès prouve que vous êtes toutes de chair et bras filles, et je vous donne carte blanche pour faire avec elle et pour elle tout ce que vous voudrez. La conséquence de cette conversation fut une visite matinale des trois demoiselles Peters le matin suivant à l'appartement de Mrs. Barnaby. Les sujets sur lesquels la tante et la nièce sentaient et pensaient de même étaient rares, mais il eût été difficile de dire laquelle des deux fut la plus satisfaite quand on annonça les visiteuses. « Nous venons, Lucie et moi, vous prendre pour faire une énorme promenade, Agnès, » dit Mrs. Peters, « et Elisabeth, qui n'est pas une aussi robuste marcheuse que nous, est venue pour vous offrir ses services, Mrs. Barnaby, et vous faire faire un tour à la maison, si cela vous va. Et puis, je vous en prie, n'allez pas oublier que le bal a lieu mardi soir, et que nous comptons bien que vous vous joindrez à nous dans les salons. Ma chère Mary, ma chère Elisabeth, ma chère Lucie, que vous êtes donc bonnes toutes trois. Agnès, mettez votre chapeau tout de suite et n'oubliez jamais les bontés de ces adorables filles. Je vous serai vraiment très reconnaissante, Elisabeth, si vous voulez bien me piloter afin de me procurer quelques bagatelles qui me seront nécessaires pour mardi. Vos bals sont-ils brillants? Y a-t-il beaucoup d'hommes, etc.? Ah, qu'elle était loin maintenant, la lourde tristesse qui pesait sur Agnès. Les oiseaux, dont les chants joyeux semblaient l'appeler au dehors, n'avaient pas le cœur plus léger qu'elle-même, tandis qu'elle suivait ses amis en descendant l'escalier. Et quand elle franchissait sa porte pour aller à la rencontre de la fraîche brise envoyée par les dunes, ses pieds étaient presque aussi souples que les ailes de ces charmantes petites créatures sont légères. Il nous faut laisser les jeunes demoiselles, que James eut bientôt rejointes à peu de distance de la maison, continuer leur promenade. Après une course aussi longue que délicieuse, elles se trouvèrent longer le mur qui sert de garde-fou au point de vue le plus beau de la dune de Durham, paysage tout parsemé de champs et de villas, qui semblait à Agnès autant de palais dans une terre de fées. Tandis que nos jeunes gens charment ainsi leur matinée, nous suivrons Mrs. Barnaby et la bonne Elisabeth dans leur marche bien autrement importante vers le rendez-vous à la mode du beau monde à Clifton. Et pour les cartes d'entrée, ma chère Elisabeth, dit la veuve en offrant son vigoureux bras à sa frêle compagne, comment s'y prend-on? Souscrit-on pour la saison ou paye-t-on à la porte? Vous pourrez faire l'un et l'autre, Mrs. Barnaby. Mais si vous désirez qu'on sache votre arrivée ici, je crois que vous ferez bien de mettre votre nom sur le registre. Vous avez parfaitement raison, ma chère. Où faut-il aller pour cela? Ne pouvez-vous m'y conduire maintenant? Oui, je le peux certainement, car c'est tout près d'ici. Mais peut-être que papa pourrait vous éviter cette peine, Mrs. Barnaby. En aucune manière, ma chère. Son temps est bien plus précieux que le mien. Allons-y tout de suite, j'aime mieux cela. Quoiqu'un peu intimidée, Elisabeth lui montra le chemin, et quand Mrs. Barnaby mit le pied dans l'établissement, quand dès le seuil il lui apparut, tout parfumé de bougies, de violons, de beaux habits, tous ses sens reçurent une commotion délicieuse. Elle se rappelait les 15 ou 16 dernières années de sa vie, et se sentait toute portée à croire qu'elle était encore l'une des nymphes les plus légères et les plus ravissantes de ce monde. Elle insista pour visiter la salle de bal, la parcourut de long en large dans toute son étendue, d'un pas qu'elle contraignait, non sans peine, à ne pas être un pas de danse. Elle examina la manière dont l'orchestre était disposé, regarda les candélabres avec bonheur. Elle triomphait par avance à la pensée du relief qu'il donnerait à son rouge, à ses yeux, à ses plumes, à ses fleurs. S'il n'y avait pas eu un jeune monsieur derrière le garçon de l'établissement, elle n'aurait pas résisté au désir de faire un tour de valse, et malgré tout, elle ne put s'empêcher de se tourner vers le tranquille jeune homme pour lui dire avec une physionomie qui daignait sourire « Qu'une belle réunion doit bien faire dans ces salons, n'est-il pas vrai, monsieur ?» Pendant le cours de leur visite, comme elle traversait la pièce où l'on s'inscrivait sur le registre, elle rencontrait un gentleman dont l'âge flottait entre 35 et 40, grand, fort, habillé de couleur claire, avec de grosses moustaches et le regard d'un homme qui est habitué à voir tout et à voir vite. Il ôta son chapeau et salua profondément Miss Peters, décochant du même coup à la veuve un coup d'œil fort satisfait. « Qui est ce monsieur, ma chère ?» dit la dame enchantée. « C'est le major Allen, » répondit Elisabeth. « Sur ma parole, c'est un bien bel homme et qui a l'air bien élégant. Est-il intimement lié avec votre famille ? Oh non ! Nous ne le connaissons que pour l'avoir rencontré dans les soirées assez souvent et toujours au bal. » Est-ce un homme riche? Je dois dire que je n'en sais rien. Il a un très beau cheval et un groom, et va beaucoup dans le monde. Bien entendu, alors qu'il ne peut pas être pauvre, ma chère. Est-ce un danseur? Non, je crois qu'il joue, toujours. Et où allons-nous maintenant, chère petite? Je désire que vous me meniez aux plus belles boutiques de votre connaissance. La plupart de nos beaux magasins sont à Bristol, mais nous avons ici une excellente modiste. Eh bien, allons-y, ma chère. Et votre maman n'avait-elle pas parlé d'un salon de lecture? Oui, il y a un salon de lecture et presque tout le monde s'y rend tous les matins. J'irai bien certainement aussi. J'envisage tellement ces choses-là comme mon devoir vis-à-vis de ma nièce. Il est vrai, j'ai une jolie fortune. Eh bien, en jouissant, je ne pense qu'à procurer un avantage à cette pauvre chère Agnès pendant le temps qu'elle est avec moi. Car je ne me fais aucun scrupule de vous dire, ma chère enfant, que ce que je possède, me venant de votre cher oncle, retournera à votre famille, au cas où je viendrais à mourir sans enfant. Ah, chère fille, un cœur vraiment neuf ne s'apparaît pas facilement une seconde fois. Mais plus vous me connaîtrez, Élisabeth, plus vous vous apercevrez que j'ai des idées à moi. Bien des femmes, se trouvant à la tête d'une fortune comme la mienne, dépenseraient trois fois autant que moi. Moi, je me dis sans cesse, ce pauvre cher Barnaby, tout en m'aimant plus que tout au monde, avait une tendre affection pour sa famille, et puisqu'il m'a tout laissé, je me tiens pour engagé, dépensant tant d'argent pour ma propre nièce, en épargner beaucoup pour ses nièces à lui. « Vraiment, vous êtes bonne pour tout le monde ?» répondit la jeune personne reconnaissante. « Je le voudrais, ma chère. N'est-ce pas la seule manière de faire son devoir ?»« Non pas que je promette de ne jamais me remarier, chère Élisabeth. Je n'approuve pas les personnes qui font de grands serments. Ce ne sont pas celles-là qui tiennent le mieux leur résolution. Toutefois, si je ne dépense guère que le tiers de mon revenu, j'espère bien, ma chère, que vous en comprenez le motif et que vous ne permettrez jamais à personne de m'accuser d'avarice. Ce serait un peu généreux à vous ou à votre famille. En effet, Mrs. Barnaby, aussi cela n'arrivera-t-il jamais pour aucun de nous, je vous en réponds. Mais nous voici chez la modiste, entrons-nous? Oh oui, une bien jolie boutique, du meilleur goût. Quelle ravissante coiffure! Ah, si ce n'était les raisons que je vous donnais tout à l'heure, comme je me laisserais tenter. Madame, s'il vous plaît, combien cette coiffure écarlate? Avec l'oiseau, madame, 4,5 guinées et 2,100 guinées. C'est un vrai bijou. Dites-moi, je vous prie, madame, acceptez-vous quelquefois des objets fournis par vos dames? Non, jamais, madame, répliqua l'artiste d'un ton décidé. Ne consentez-vous pas à placer des plumes qu'on vous apporte? Je ne vous demande pas ce que vous prendriez pour cela, votre maison me semble montée sur un pied de premier ordre. Pour nos clientes, oui, madame, et quand les plumes ou la coiffure ont été premièrement fournies par nous. Vous êtes des clientes, Élisabeth, n'est-ce pas? Maman, oui, répondit la jeune fille. Vous connaissez Mrs. Peters de Rodney Place, Mrs. Duval? Oh, certainement. Je vous demande pardon, mademoiselle Peters. Cette dame est une de vos amies. Mrs. Peters est ma belle-sœur, Mrs. Duval, et j'espère qu'en faveur de cette considération, vous me traiterez moi-même comme une cliente. Je voudrais faire placer quelques plumes sur une toque que je compte porter au bal de mardi, et je voudrais qu'elles fussent disposées comme elles le sont dans cette toque bleue que voici. Voulez-vous bien faire cela pour moi? Oui, madame. Voulez-vous nous favoriser de votre nom sur nos registres? Cela est fort obligeant de votre part. Et aussitôt revenu chez moi, je vais vous envoyer la toque par ma femme de chambre. N'y a-t-il pas autre chose que je puisse vous faire voir, madame? J'ai besoin de gants longs, blancs, s'il vous plaît, et de quelque chose de léger et d'élégant dans le genre d'une écharpe. La modiste se mit aussitôt à l'œuvre et le comptoir devint bientôt un océan de vagues de toutes couleurs. On porte quelquefois des écharpes de couleur dans un deuil léger, n'est-ce pas? Oh oui, madame, toujours. Que dites-vous de celle-ci, Élisabeth? Dit la veuve en choisissant une écharpe du plus brillant géranium. Pour vous, Mrs. Barnaby? Oui, ma chère. Ma robe sera de satin noir, vous savez. J'aurais cru que du blanc aurait mieux fait, dit Élisabeth, se souvenant de l'aversion de sa mère pour les couleurs voyantes et se souvenant aussi du récent costume de veuve que portait sa tante. Bon, cela se pourrait bien. Montrez-moi de blanche, s'il vous plaît. Peut-être aimeriez-vous de la blonde, madame, dit la modiste, ouvrant une boîte et déployant quelques échantillons tentateurs. Superbe, vraiment, c'est magnifique. Quel est le prix de celle-ci? Une simple bagatelle, madame. Permettez-moi de commencer votre compte par cet article. Eh bien, je crois vraiment que... Je sais que cela se nettoie un peu mieux, on dirait que c'est neuf. Et Agnès, madame, que mettra-t-elle? Demanda Élisabeth. Ah, ma chère, c'est l'un de mes tourments. Elle ne va entendre parler de rien d'autre que de son grand deuil. Entre nous, Élisabeth, je soupçonne là-dessous quelque chose de la perte de sa pauvre mère, ou bien encore de celle de son père, que nous avons toute raison de croire mort sur le continent. J'ai idée que c'est quelque chose de ce genre qui la rend si opiniâtre à cet endroit. Elle ne peut pas supporter qu'on lui en parle. C'est encore une bizarrerie. Mais ne lui en dites jamais un mot, elle ne voudrait plus venir au bal. Oh, vous n'avez pas idée de ce que me fait souffrir l'entêtement de cette adorable fille. Enfin, voici des gants qui feront l'affaire. Vos pointures sont remarquablement petites, Mrs. Duval. C'est tout pour ce matin. Où faut-il les envoyer, madame, et à quel nom? Mrs. Barnaby, numéro 1, Sion Row. Merci, madame. Ils seront chez vous dans l'instant. Allons maintenant au salon de lecture, dit la veuve, en faisant de la main un petit geste très expressif. Elles se rendirent donc au salon de lecture, que Mrs. Barnaby eut la grande satisfaction de trouver rempli de beau monde et autres satisfactions pour se frayer un chemin vers la table où étaient posés les registres des abonnements, elle dut passer devant le plus moustacheux des majors, le major Allen. « Mille pardons, madame, je crains d'avoir effleuré votre pied. »« N'y faites point attention, ce n'est rien du tout. »« La boutique est si remplie que c'est presque impossible à éviter. » En retour de ce discours fort civil, le major fixa une seconde fois ses gros yeux tout grands ouverts sur la veuve et elle eut de nouveau la satisfaction de croire qu'il la trouvait singulièrement belle. Mademoiselle Peters trouva parmi la foule plusieurs personnes de connaissance avec lesquelles elle entra en conversation, tandis que Mrs. Barnaby, assise à la table, tournait l'une après l'autre les pages de recueil d'autographes comme quelqu'un qui cherche des noms de connaissances. Il eût pourtant fallu un concours de circonstances tenant du miracle pour qu'elle pût trouver là un seul nom qu'elle eût jamais connu. Mais elle jouait son rôle dans la perfection, souriant de temps en temps comme si elle découvrait avec ravissement quelque nom inattendu, opération pendant laquelle plus d'un œil était fixé sur elle, elle le savait fort bien, car elle était réellement remarquable. D'une haute stature, beaucoup au-dessus de la moyenne, forte, sans être corpulente, sa taille était de celle que bien des gens, comme M. Peters, auraient qualifié de femme superbe, et que d'autres, tels que Mrs. Peters, auraient désigné comme grosse, gauche et commune. Elle avait positivement de beaux traits. Ses yeux et ses dents étaient magnifiques. Son nez fier et bien fait. Mais tout ceci, grâce à l'énorme quantité de rouge qu'elle mettait, devenait grossier à force d'exagération, et la profusion de cheveux aussi noirs que l'ébène qu'elle portait en lourdes boucles pendantes aux deux côtés de sa grosse figure, en lui donnant l'air dur, la faisait ressembler, ainsi qu'Agnès l'avait découvert quelques années auparavant, à une des têtes de cire que l'on voit dans la vitrine des coiffeurs. Cette figure et cette tournure, qui à elles seules eussent été faites pour attirer l'attention, étaient mises encore plus en évidence par sa toilette, qui, tout en étant comme elle-même réellement belle, devenait déplaisante par son intention trop visible de produire de l'effet. Un chapeau du satin le plus brillant, couleur lavande, extraordinairement grand et jeté hardiment en arrière, laissait se développer une quantité de ruches de blonde, parsemées à foison de fleurs de toutes nuances. De plus, une plume d'une taille prodigieuse, dite sol pleureur, retombait sur les fleurs en s'agitant de ça, de là à chaque mouvement de la tête et venait à l'occasion se reposer sur l'épaule de la dame. Sa robe en satin noir était tellement agrémentée d'ornements de même couleur que le chapeau que, quoiqu'en deuil, l'ensemble qu'elle présentait était très voyant et très gai. « Qui est votre amie, Elisabeth ?» dit une jeune personne qui semblait avoir le privilège des questions. « C'est Mrs. Barnaby, » répondit Miss Peters à voix basse. « Qu'est-ce que c'est que Mrs. Barnaby, ma chère ? Elle a tout à fait l'air de quelqu'un. C'est la veuve du frère de maman, M. Barnaby de Silverton. Silverton ? C'est le nom de la ville d'où elle est, n'est-ce pas ? Elle est fort riche, je présume ? Oui, certainement, Miss Madden, » répliqua Elisabeth, quelque peu scandalisée de la liberté des questions qu'on lui faisait. « Mais je vous serai infiniment obligé de ne pas parler si haut, car elle doit vous entendre. »« Oh non, voyez comme elle est occupée à chercher ses amis. »« Bonjour, Major, » dit la même belle personne, se retournant vers le Major Allen, qui s'était tenu tout près derrière elle, écoutant toutes ses questions et les réponses qu'elle recevait. « Aurons-nous un beau bal, mardi ?»« Si tout le monde pouvait savoir que Mademoiselle Madden y sera, tout le monde irait assurément pour les rencontrer, » répondit le gentleman. « Alors je vous charge de répandre la nouvelle. » Je me demande s'il y aura beaucoup d'étrangers. On m'a dit que quelques personnes des sociétés Stephenson et Hubbard viendraient, c'est-à-dire le colonel Hubbard et le jeune Frédéric Stephenson. Ce sont les seuls qui restent. Toute la noce est partie par la malle-poste ce matin à 11 heures. Lady Stephenson plus belle que jamais. Lady Stephenson ? Ah, Emily Hubbard. Oui, oui, elle est très belle. Et son frère l'est au moins autant qu'elle. Croyez-vous ? Il est bien maigre et bien usé. Il a absolument l'air d'un vieux troupier. « Je ne l'en aime pas moins pour cela, » répliqua la jeune demoiselle. « On voit qu'il a servi, et il ne s'en est pas mal trouvé. Bien décidément, il est le plus beau cavalier de Clifton. » Le major sourit et tourna sur ses talons, ce qui l'amena juste en face de Mademoiselle Elisabeth Peters. « J'espère, mademoiselle, que votre famille honorera le bal de sa présence, mardi. »« Je le crois, Major Allen. Il est rare qu'il n'y ait pas quelqu'un de nous ici. » « Nous amènerez-vous le renfort de quelques étrangers ?» demanda le major. « Mrs. Barnaby et sa nièce viendront avec nous, je pense. Je me flatte que nous serons très nombreux. »« Bonjour. » Et jetant encore un regard du côté de la veuve, le major Allen sortit de la boutique. « Pas un mot de tout ceci n'avait été perdu pour Mrs. Barnaby. Dès le premier moment, elle avait pensé à choisir Elizabeth Peters pour son amie intime, et maintenant elle était convaincue qu'elle ne pouvait avoir fait meilleur choix. Personne n'aurait pu mieux répondre aux questions qu'on lui avait faites, et personne non plus ne pouvait présenter une prestance plus fascinatrice que celle du major Allen. Est-ce une enquête plus approfondie prouvait qu'il était, comme il en avait l'apparence, un homme riche et à la mode, le monde entier ne pouvait offrir à la veuve un adorateur qu'elle désira davantage captiver. Telles étaient les méditations auxquelles se livrait Mrs. Barnaby, lorsque, assise à la fenêtre de son salon, elle attendait le retour d'Agnès pour dîner. Et telles furent ses méditations bien souvent par la suite.